السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، donc on va poursuivre encore dans ce dernier hebdomadaire. طيب، la dernière fois on avait pris deux hadiths. Le Rabi al-Ba'un, 44e. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. Lorsque le serviteur meurt, ses œuvres cessent hormis trois. صدقة جارية, une monde courante. وعلم ينتفع به, un savoir, il profite. وولد صالح يدعو له, et un enfant pieux qui invoque pour lui. ثم أخذنا الحديث الخامس واربعين, 45e حديث. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. Que celui qui atteint un lieu en premier ou obtient les choses en premier, dans ce qui n'a pas le droit des autres, ou qui n'est pas particularisé par des caractéristiques, alors il en est prioritaire. Naam. Tayyib. Aujourd'hui, on va prendre probablement trois hadiths, deux qui vont ensemble et un qui sera à part. Car l'auteur, il a cité le al-hadith al-sadith wa-arba'in, wa-sabi wa-arba'in, le 46e et 47e, il les a mis ensemble. Il les a cités, il a fait un sharh pour les deux ensemble. Et ensuite, le 48e. يقول رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. Donc dans ce hadith rapporté par ابن عباس, le Nabi صلى الله عليه وسلم il dit de donner les droits d'héritage aux gens des parts, et ce qu'il reste, cela revient alors à un homme prioritaire. On va expliquer ce que ça veut dire, Inch'Allah. Hadith, c'est Mutafaqun Ali. Et l'autre hadith, c'est celui de Abu Umama, radiallahu anhu. Qala samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna Allah kad a'ta kullazi haqqin haqqah فَلَا وَسِيَا لِوَارِثِ. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah a donné à chacun son droit. Donc il n'y a pas de testament pour un héritier. Donc ces deux hadiths sont liés aux règles de l'héritage. J'ai déjà une petite série de doulous qui résumés qui ont été faites sur le sujet. Du livre Al-Ra'id, Pierre Kamel Fara'id, un livre dans lequel j'expliquais un petit peu une approche des règles de l'héritage. Pour ceux qui veulent s'y retrouver un peu, car c'est un sujet qui est très méconnu. Et j'ai expliqué des bases, Inch'Allah, qu'elles seront mufida pour celui qui veut écouter. Bismillah ta'ala. Non. Donc ces deux hadiths sont liés à ce domaine-là, celui de l'héritage. Tayyib. Donc, il dit, « Hadan hadithan ishtamala ala » Jul Ahkem al-Mawalith ou Ahkem al-Wasaya. Donc ces deux hadiths se basent sur les règles générales des règles de l'héritage et du testament. فإن الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحا وأعطى كل ذي حق حقه وأمر صلى الله عليه وسلم أن تلحق الفرائض بأهلها. Car Allah عز وجل a déjà détaillé ces règles-là de façon claire et limpide, les règles de l'héritage. D'ailleurs, vous le trouvez dans Surat An-Nisa, Surat des femmes, dans le début de la Surat, sur deux pages. Il a cité les bases des règles de l'héritage, et après dans la Sunna, on y trouve des détails. Et de là, donc, chacun, parmi les gens, les ayants droit, ils ont chacun des règles qui leur sont propres. Donc il dit qu'il faut donner à chacun son droit. فيقدمون على طيب فيقدمون على العصبات فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وهم العصبة من فروع الذكور والأصول الذكور وفروع الأصول الذكور والولاء. Donc maintenant il dit quoi? Les gens de l'héritage, ils se divisent principalement en deux. Il y a al-furud wa ahl العصبة. Et le hadith, il parle de cela. Que les gens des parts, les furud, on leur donne leur part. Et ce qui reste, ça reviendra qui? Au asaba. Les furud, c'est qui? C'est les gens qui ont une part décrétée dans le Coran, définie. Comme le zawj, l'époux, comme l'épouse, comme les sœurs, et ainsi de suite. Dans le Coran, Allah dit bien, imma thuluth, soit un tiers, soit un quart, soit une moitié. D'accord? Des gens sont définis dans le Coran. Là, on va pas ressasser le ders tafsil de l'héritage, hein, pour ceux qui veulent comprendre. Il y a ton rond de l'eau, ce que j'ai fait auparavant. Mais pour vous dire qu'il y a des gens qui ont une part qui est décrétée. D'accord? Taïeb. Une fois que cette part est décrétée, elle a été donnée à chacun, ce qui restera comme argent, cet argent-là revient à ce qu'on appelle l'asaba. Et l'asaba, c'est qui? Ce sont les proches du côté soit du père ou soit les proches des parents communs. Et cela touche en général les hommes, comme le fils, comme le grand-père, comme le père, comme les oncles paternels, comme les cousins de l'oncle paternel et comme les petits-fils et ainsi de suite. C'est le asaba. D'accord? D'ailleurs, le asaba, dans le mariage, fi bab az-zawaj, le asaba, ce sont eux seuls qui ont droit d'être wali pour la femme. Et c'est que du côté du père. Les proches du côté de la mère ne peuvent pas être des awliyés pour marier une femme. D'accord? Par exemple, une femme, elle a ses parents, son père, sa mère. Et vous savez, du côté du père, il y a des oncles. Et du côté de la mère, il y a des oncles. Du côté du père, il y a les grands-parents. Et du côté de la mère, il y a les grands-parents. Si le père était absent, d'accord, les seuls qui ont le droit de la marier, c'est Aulia, ce sont les proches du côté du père. Ceux du côté de la mère, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont aucun droit de wilaya. On ne retourne pas vers eux. L'oncle maternel ne peut pas marier sa nièce. Le grand-père maternel ne peut pas marier sa petite-fille. Taïeb, si elle avait un demi-frère du côté de sa mère, Mathalène, ce demi-frère ne pourrait pas la marier. Par contre, si elle avait un demi-frère du côté de son père, d'une autre femme, il pourrait la marier. L'oncle paternel peut la marier. Le grand-père paternel peut la marier. Ainsi de suite. Tout ce qui est du côté de la mère, ils n'ont pas le droit. Ce sont les règles en islam. Donc, ce sont les mêmes là dont on parle, là, ça va, qui ont droit à l'héritage lorsque les gens départ ont pris leur part, ce qui reste, c'est à donner au asaba. Et ensuite, ça dépend de combien ils sont et qui ils sont. C'est encore un autre détail. À savoir une chose, que celui qui est quasiment sûr de toucher quelque chose, c'est le fils. S'il y a un fils, c'est le premier qui touche dans les asaba. Et généralement, quand il prend, il reste plus rien aux autres. Donc après, ça dépend qui vient. Si le fils, il a des frères et sœurs, le partage qui est entre eux. Si jamais il y a des petits-fils, le partage entre eux. Si jamais il y a des grands-pères, d'accord, paternels, le partage entre eux. Après, il y a un ordre. D'accord, il y a un ordre. Mais généralement, quand le fils il est présent, c'est lui qui prend tout. Dans ce qui reste. Et ainsi de suite. Après, il y a un ordre à suivre. Donc, lorsque les gens, au départ, décrétaient Ahl al-Fara'id, ils ont pris leur part, et qu'il reste de l'argent, encore des biens, alors ce qui reste, ça vient au asaba. C'est ça que le hadith dit. Donner les fara'id, les parts aux gens de l'héritage, et ce qui reste, c'est pour un homme prioritaire, c'est-à-dire le asaba. Et des fois, le asaba, c'est pas forcément un homme, ça peut être, comme je l'ai expliqué, ça peut être un mélange entre le fils et sa sœur, par exemple, ou il y a un hippopote dans les détails. Des fois, les asaba, ça peut être un groupe de personnes. Ça, ce sont d'autres règles. Mais pour dire que lorsque les hadiths, à comprendre comment, lorsque les parts, les gens des parts ont reçu leur part, ce qui reste, c'est pour les asaba. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, en gros. Naam. Ensuite, les asaba, ils ont des degrés. Certains sont plus proches que d'autres. Donc, plus ils sont proches, et plus ils seront prioritaires. D'accord? Par exemple, une personne un homme, il était marié. مثلا, il était marié. En étant mort, il a laissé des biens. Si jamais il avait des dettes ou quoi, on rembourse les dettes. On achète tout ce qui est relatif à son enterrement, aux frais d'enterrement, son kafan, et si jamais il a besoin de creuser tout ça, on prend son argent à lui, on paye tout cela, et après ce qui reste, on regarde qui, parmi ses proches, font partie des gens des parts décrétées. Ceux-là, on leur donne leur part, à chacun. C'est les premiers qui touchent eux, dont l'épouse, et ainsi de suite. S'il a des filles, les filles. S'il a sa mère, ainsi de suite. Et si une fois que cela est fini, qu'il reste quelque chose, alors on regarde qui il y a comme homme dans sa famille. Son fils, s'il en avait un. Son père, s'il avait son père toujours vivant. Si jamais il avait des petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de son fils, ainsi de suite, on regarde qui est présent. Et le plus proche d'entre eux du père, c'est lui qui prendra. Si le fils est là, le fils va tout prendre. Si le fils il est là, sachez-le, hein, le fils il prend tout. Donc c'est fini après. Les autres, ils n'ont plus rien. Le fils, il prend tout ce qui reste. Par exemple. Maintenant, si jamais... là, je vous cite en résumé ce que l'auteur dit par la suite pour pas allonger d'ers. Maintenant, si les parts, l'argent qui y reste, là, on revient autour au sujet des gens des parts. Al al-fara'id. Les gens des parts. D'accord ? Qui ont une part décrétée dans le Coran. Un thuluth ou un rub. Un quart ou un demi ou un tiers ou quoi, ces gens-là décrétés là. Si jamais la somme d'argent, elle ne suffit pas à donner à chacun la part, parce que des fois l'argent n'est pas suffisant, si jamais on divisait chacun la part qu'il a, ça suffirait pas. Mais chacun doit quand même forcément toucher, c'est obligatoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réduit proportionnellement l'argent pour que chacun ait la part qui lui revient, même si elle est réduite. C'est pas on donne un pour aux autres. Non, chacun doit avoir parmi les gens des parts. C'est obligatoire, on doit leur donner. Mais seulement, on réduit à chacun du, chacun, on enlève une part de chacun pour que la somme soit suffisante pour que chacune des personnes présentes ait à y toucher une part. Après, s'il reste plus rien pour les rassaba, il reste plus rien pour les rassaba. S'il reste plus rien pour les rassaba, il reste plus rien pour les rassaba. Amché, en premier, on commence par les gens des parts. Et si jamais il y a plus, par exemple, les gens des parts, ils ont pris, mathalan, chacun leur part, et qu'il n'y a pas de rassaba, et qu'il reste encore de l'argent, alors cet argent qui reste, on le redivise entre les gens des parts. De façon proportionnelle par rapport à leur part décrétée également, une fois de plus. Ça y est, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc les gens des parts, al al-fara'id, ils sont prioritaires. Ensuite, al al-asaba. Wa akaza. Naam. Et dans l'autre hadith, lorsqu'il dit inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiya li walis, que Allah a donné à chacun son droit, donc il n'y a pas de testament pour l'héritier. Qu'est-ce que cela veut dire? Que chaque personne qui doit hériter obligatoirement sa part lui décrétée, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. D'accord? Par contre, le défunt a le droit de faire un testament. Là, ça s'appelle une wasiya. Différence entre l'héritage et le testament. Ce sont deux choses différentes en islam. Al-irth ou al-wasiya. Al-irth, c'est ce que le Coran et la Sunna ont défini qu'on te donne sans discuter. T'as pas besoin d'écrire, de dire je donne tant à mon fils, tant à ma fille. Non, t'as rien à dire. Dans le Coran, c'est décrété. Une fois que tu es mort, les héritiers vont voir un notaire musulman qui connaît, qui fait les comptes, qui donne à chacun sa part. Sans que tu n'aies rien à dire. On ne déshérite pas les gens en islam tant qu'ils sont musulmans. D'accord? Ça n'existe pas, ça, en islam. Tant que les liens de parenté sont définis, ils sont connus et ils sont affirmés et que tous les détails du décès sont faits, là, c'est le notaire musulman qui vient, ou si c'est pas un notaire, c'est un alim qui fait une fatwa ou un juge qui décrète, qui appelle les gens de la famille, qui dit toi t'attends, toi t'attends, toi tu attends, toi tu attends. Ça y est. Maintenant, le défunt, avant de mourir, il se peut qu'il ait fait un testament, qu'il ait décidé de léguer une partie de ses dons à autre que ses proches. Ça, il a le droit de le faire. Cependant, il n'a pas le droit de léguer plus d'un tiers de ses biens, sans quoi il aurait lésé ses héritiers. D'accord ? Il a une certaine fortune. Si jamais il veut faire un leg à des gens, par exemple, il dit... un tel, par exemple, qui n'a rien à voir avec sa famille, son voisin, dit mon voisin, je vais donner tant. si jamais je meurs, donner tant à mon voisin, ou donner tant à mon beau-fils, ou donner tant à mon cheikh, ou donner tant à mon beau-père, ou donner tant à ma belle-mère, des gens qui à la base n'héritent pas de lui. D'accord ? Ou donner tant à tel organisme, مثلاً, pour les orphelins ou kaza et kaza. Il a le droit. D'accord ? Il a le droit. Cependant, ce don ne doit pas dépasser le tiers de ses biens. Sans quoi, ça va commencer à prendre dans la part des héritiers et ça n'a pas le droit. Sauf si les héritiers se désistent et disent non, on est d'accord pour donner ce que notre proche a légué. Si jamais c'est le père, c'est la mère ou quoi, ils sont, disent ouais, voilà, nous, on est prêts à désister de notre part. Sans quoi, il n'a pas le droit. D'accord ? Il n'a pas le droit. Par exemple, un exemple, quelqu'un, il a, sur son compte, il a 1000 euros. Et il meurt. Il a des héritiers qui sont présents. Eh bien, il n'a pas le droit de donner plus de 300, ça va faire combien ? 330 euros de dons en testament à autrui. Il n'a pas le droit de donner plus. Pas le droit. Le reste, qui reste, c'est pour les héritiers. Décrétés. Les gens au départ et les asabas s'ils sont là. D'accord ? Taïeb. Donc maintenant, c'est quoi le chai du hadith ? C'est qu'il n'a pas le droit de faire un testament pour ceux qui sont déjà décrétés islamiquement parlant, quand j'ai une part. Il dit pas, par exemple, mon fils, je donne tant. Ma fille, je donne tant. Ma mère, je donne tant. Non, il n'a pas le droit à ça. Ça, c'est déjà dans le Coran, c'est décrété. Il n'a pas rajouté ni enlevé. Il n'a pas le droit. C'est pour ça qu'il dit bien, fala wasiya lil waris, qu'il n'y a pas le testament légué à l'héritier. Non, si tu donnes un testament légué, c'est à quelqu'un qui est étranger au droit d'héritage. Fahimtoum ? Donc tu dis pas, je donne tant à ma sœur, je donne tant à mon frère. Non, il n'y a pas ça. Ça, c'est chez les koufars. En islam, il n'y a pas ça. Leur part, elle est décrétée dans le Coran. Même si vous étiez en guerre, vous étiez en hajr, vous étiez en je ne sais quoi, si ce sont des musulmans, d'accord ? Ils ont leur part, quoi qu'il en soit. Sauf dans des cas où, d'accord ? Ça, c'est un relève qui est derrière les mains, où l'héritier, il aurait, par exemple, été concerné par l'assassinat du défunt. Dans ce cas-là, il y en a qui disent, celui qui a causé la mort volontairement du défunt qu'il en héritier, il n'hérite pas de lui, parce qu'on va dire, ça se trouve, il l'a tué pour pouvoir hériter de lui. Mais ça, c'est une masla khilafia. On ne rentre pas dedans. Mais quoi qu'il en soit, c'est un muslim et ses liens familiaux sont affirmés, il y a des preuves, il touchera sa part d'héritage. Obligatoirement. Sans pas dans les cas où les règles sont appliquées, bien sûr. Maintenant, c'est très bien qu'aujourd'hui, il y a des cas où c'est pas appliqué. Là, pendant la charia islamia, sa part, elle lui, il doit la toucher. Maintenant, il y a qu'au le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là c'est une faïda hors du ders, mais qui est importante. Il y a qu'au le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yarith muslim al kafir ou al kafir al muslim. Que le muslim n'hérite pas du kafir. Et que le kafir n'hérite pas du muslim. Ça veut dire quoi? Demain, t'as par exemple un converti, tes parents y meurent. Cet héritage tel que dans le Coran on l'a, tu n'y as pas droit. D'accord ? Tu n'y as pas droit. L'argent que l'État viendrait à prendre pour partager, tu n'y as pas droit. Vous voyez ? Maintenant, si tes parents, avant de mourir, auraient fait un testament, comme beaucoup de koufars les font, là, c'est pas pareil. Là, ça rentre dans la wasiya. Il dit, par exemple, moi, mon fils, si je meurs, je lui donne ma maison à la campagne, je lui donne ma voiture, je lui donne tant. Si là, le défunt, le kafir, il a fait un testament, là, tu peux prendre. Mais si jamais il meurt, et que c'est l'État qui vient qui font un partage qui est lié à l'héritage selon leurs règles à eux, ça, tu n'as pas le droit de le prendre. Par contre, ma chère, ici, ils disent sauf dans un cas où, cet argent-là, par exemple, si jamais tu le prends pas, c'est l'État qui le prend. Et ça va renforcer les trésors publics de l'État des koufars. Ils disent là, tu le prends à ce moment-là. D'accord? Ça, c'est une fatwa qu'ils ont fait, c'est un ijtihad qu'ils ont. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais dit ça. J'ai déjà entendu le cheikh Abdelhamid le dire. J'ai entendu le cheikh Hassan Bachourib le dire. Et il me semble que Cheikh Mouboul aussi l'a dit. Pour pas que ton l'argent aille dans les poches des koufars. Ils disent alors, tu prends l'argent. D'accord? Tu prends l'argent. Sans quoi, on répète bien, si jamais un kafir, il a fait un testament, ton oncle, ton père, ta mère, ton voisin, n'importe qui, quelqu'un qui te connaît, il a fait un testament, il te nomme et dit tant pour un tel, même si c'est un kafir, tu auras le droit de le prendre l'argent. Il sera licite pour toi. Sans quoi il ne l'est pas. Et toi, kazalik, si jamais tu devais demain mourir, et que tu as, par exemple, des enfants qui auraient apostasié, ou qui ne sont pas musulmans, Par exemple, tu t'es converti, tu étais déjà adulte. Tu avais déjà des enfants. D'accord? Tu t'es converti à un certain âge et ton enfant était déjà né. Et il veut pas rentrer en islam, mathalan. Eh ben, lui, si jamais tu meurs, il n'arrête pas de toi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas musulman? Mathalan. D'accord? Donc, si jamais toi, tu sais cela à l'avance et que t'as pas d'héritier musulman, alors fais un testament. Tu as des biens. Mais entre l'autre, toi, tu n'as aucun proche qui rentre dans les gens des parts ou dans les asabas. Alors, avant de mourir, fais, et que tu as des biens à léguer, fais un testament avant de mourir. Tu dis, par exemple, mon argent, je donne à temps ou à telle chose ou à telle personne ou divisé en telle circonstance ou kaza ou kaza et kaza. Sinon, ton argent, les koufars, ils vont donner aux koufars. Et les koufars, ils ne regardent pas musulmans ou chrétiens ou yahoudis là. Ils voient un tel, il est mort, khalas, on regarde ce qui s'est proche, ils vont leur partager à leur sauce et ils donnent. Donc, toi, avant de mourir, anticipe. Anticipe. D'accord? Et fais un leg à des gens qui méritent, qui ont le droit d'avoir ton argent. Sans quoi, ton argent, il partira chez les koufars. Voilà, azabillah. Donc, bien comprendre la différence entre al-irth, ce qu'on appelle l'héritage, et al-wasiya, qui est le testament. Deux choses différentes. Parce qu'en français, souvent, c'est pareil pour nous. Mais en islam, c'est pas pareil. Comme vous avez pu comprendre dans ce dirs-là. En espérant que ça aurait été assez clair pour vos business latérales. طيب. On prend le hadith الثامن وأربعين. 48e hadith. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب يريد الأداء والمتزوج يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله رواه أهل السنن إلا النسائي. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم qu'il y a trois personnes sur qui il est un droit que Allah Azawajal les assiste. Et ce hadith-là, on l'a cité dans les règles d'obtention du risque, dans la muhadara qu'on a fait il y a deux semaines. Et il revient là le hadith, masha'Allah. Donc il y a trois personnes sur qui il est un devoir, qu'il est un droit que Allah Azawajal les assiste. Et quand vous savez bien, en fait, nous, on n'a aucun droit sur Allah Azawajal. Mais c'est takar rouman, c'est que Allah s'est imposé à lui-même de faire telle et telle chose. Sans quoi, la créature n'a aucun droit sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Les hadiths qui disent, hakun ala Allah, c'est bab, takarrum, en fait. C'est une marque d'honneur, une marque d'honneur. Mais en vrai, qui parmi nous a un droit sur Allah? Aucun. Allah ne nous doit rien, nous. Mais nous, nous le devons tout. Donc, bien comprendre les textes. Mais c'est toujours un tarbir, une expression qui a été donnée en islam. Taïb. Donc, il dit, ces trois qui sont-ils? Le premier, c'est le mukatab. Le mukatab qui veut rendre l'argent de sa libération. Le deuxième, c'est celui qui veut se marier pour rester chaste. Et le troisième, c'est celui qui lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة ويتصرف في النفقة التي يحبها الله لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. Donc Allah عز وجل a promis à ceux qui dépensent de leur rendre, de compenser leurs dépenses. Ça c'est une promesse générale dans le Coran qui est là. Et que cette dépense est sous condition d'être dans ce que Allah Azawajal, il aime. Donc Allah Azawajal, c'est une récompense qu'il va accorder à celui qui dépense dans ce que Allah, dans l'obéissance, que Allah va lui remplacer ce qu'il aura dépensé. Et de façon hâtive. Taïb. وَمَّا النَّفَقَةُ فِي الْأُمُورَ الَّتِي لَا يُحِبُهَا اللَّهُ إِمَّا فِي الْمَعَاصِي وَإِمَّا فِي الْإِسْرَافِ فِي الْمُبَاحَاتِ فالله لا يضمن الخلف لأهلها بل لا يكون إلا مغرما. Quant aux dépenses qui sont faites, elles, dans ce que Allah n'aime pas, comme par exemple dans les péchés, ou dans le gaspillage, même de choses permises, mais que la personne dépense à outrance dans ce qui ne lui sert à rien. Alors celui-ci, il n'a aucune, il n'est pas dans la promesse de compensation. La promesse d'Allah Azzawajal, elle est pour celui qui dépense dans l'obéissance. Dans ce qui est obligatoire, dans ce qui est surrogatoire que Allah il aime, dans ce qui est permis et qui est légiféré. Donc vous voyez des fois des gens, ils dépensent des sommes astronomiques dans des choses qui ne servent à rien, même si elles ne sont pas haram. ils rentrent pas dans la nafaka, dans la dépense. Ils vont acheter des portables, je ne sais pas combien, des chaussures, je ne sais pas combien, des vêtements, je ne sais pas combien. D'accord? Des dépenses. Comme en ce moment, on voit des gens, ils partent en vacances, ils dépensent des fortunes. Tout ça, ça rentre pas dedans. Je dis pas que les vacances, c'est haram. Attention. Mais là, je dis principalement les gens qui sont en France, par exemple. Quand on sait que la hijra, elle est obligatoire. D'accord? Et tout le monde, et là, je parle de gens qui le savent et qui le reconnaissent, qui l'admettent. Que la hijra, elle est obligatoire. Que vivre en pays de kufr, c'est interdit. À part pour les gens excusés. D'accord? Et que t'as des gens qui sont là, ils sont là, ah, qu'Allah fasse la hijra, ah, que je fasse la hijra, ah, je cherche, oh, je réfléchis, oh, je mets de côté. Et t'entends qu'ils partent en vacances. Ils sont en France. On appelle ça comment, cette dépense d'argent? Ça, dans le gaspillage, ça. Ça, dans le gaspillage. Tes vacances, elles servent à quoi? Ah, elle est soufflée? Mais y a pas de souffle dans le pays de Koufre. Même tu vas aller au bord de la mer, tu vas aller avec qui au bord de la mer? C'est une plage privée où il y a que des musulmans et tout est halal. Cet argent-là que tu vas utiliser dans le loisir, ça c'est l'ahou. C'est une, l'argent qui sera, l'argent gaspillé. D'accord? Si jamais tu prends cet argent-là, et regarde bien quand tu pars en vacances, la somme d'argent, voilà, elle suffit largement à prendre un billet d'avion et à partir faire ta hijra. Et souvent quand t'es en famille, pour que tout le monde puisse partir, en réalité. Tu vois? Mais non, les gens veulent partir en vacances. Maintenant, ton pays d'islam, là, c'est autre chose. D'accord? Là, je parle déjà que c'est un pays de kufr, qui rentre dans ceux qui doivent partir. Qui doivent partir. Et qui n'ont pas d'excuse de rester là-bas. Ils disent, ouais, je vais en vacances, pendant 2 semaines dans le sud, ou je vais là-bas. Il dit, Ahri, toi, là, c'est mal parti pour ta hijra. Et on remet en question, ta niya, quand tu fais doha, qu'elle te fasse la hijra, ton intention, elle est mise en question. Est-ce que t'es sincère vraiment ce que tu dis? Parce que là, avec cet argent-là, tu peux partir. Mais tu vas en vacances. Donc, c'est-à-dire, tu vas en vacances pour avoir la niya de repartir l'année prochaine et refaire un travail, repartir un an de travail. Cet argent-là, tu aurais pu le mettre de côté pour faire ta hijra. Tu vois? Mathalen. Ou le dépenser dans une chose qui est plus utile. Mais non, les gens veulent vivre à l'ambiance qu'ils ont dans les pays de Koufre. Je pars en vacances. Pour souffler. T'as aucun souffle en pays de Koufre. Sache-le. Ni à la mer, ni à la montagne, ni à la campagne, ni en Bretagne, ni en Normandie, ni où tu veux. T'auras pas le souffle. T'auras pas le souffle. Tu restes en pays de Koufre. Y a pas le souffle. Ton souffle, déjà, pour le muslim, c'est après la mort. Pour celui qui est naadir. Et deuxième souffle, c'est fita'atillah azawajal. Dans l'obéissance d'Allah azawajal. Donc je dis bien que partir en vacances, c'est pas haram. En soi. Mais c'est un argent, c'est un argent qui est perdu bêtement. C'est un gaspillage. C'est une chose qui est gaspillée dans une chose qui serait pas mise de base. Qui ne t'apportera rien du tout. D'accord? Car nous, notre souffle, c'est dans l'iman, dans la foi, dans la Torah. Et en général, en vacances, c'est pas pour te manger dans l'argent que tu pars en vacances. C'est pour aller jouer. C'est pour aller jouer. D'accord? Sans quoi, chez toi, tu peux te reposer, tu fais un congé, t'as un congé de vacances, tu restes chez toi. Tu restes dans ta ville. D'accord? Tu vas aller souffler un moment, aller voir autre chose, tu pars un jour, deux jours, tu reviens. La salaine. Ah, mais tu pars 3 semaines, 2 semaines, je ne sais où tu dépenses, je ne sais pas combien, dans l'hôtel, dans la nourriture, dans l'essence, dans les billets. Ça, c'est un argent qu'on peut te servir à faire quelque chose de meilleur. Donc ça rentre dans les choses que Allah Azawajal, comme le dit l'auteur, dans les israf, al-mubahat, le gaspillage de choses permises. D'accord? Et tu verras pas un savant, tu dis, ah, chir, je suis en France, je voudrais faire la hijra. Et tu lui dis, ah, chir, par contre, je dois partir d'abord en vacances pendant 3 semaines. Le chir, il va dire, mais je comprends pas, là, tu me parles de hijra, après tu pars, je suis en vacances. Tu vois? Donc, ça veut dire que t'as les moyens de partir, concrètement. Et il se peut que le fait que t'aies fait ça là, que voilà, tu wafak pas pour partir par la suite. T'as des gens, ils disent, je veux partir, ils font tellement de choses, nouvel appartement, nouveau mobilier, nouveau téléphone, nouveau tout. Et il dit, ouais, je mets de côté pour la hijra. On dit, quand tu mets de côté pour la hijra, que ça se voit. Tu te sers la ceinture, comme on dit. Tu te sacrifies et tu fais en sorte que tu sais que tu vas être dans un lieu où tu auras un mode de vie différent. Tous ces conforts-là, tu l'auras peut-être plus. Alors voilà, peut-être qu'elle va te donner le meilleur. Mais souvent, on sait qu'on va partir en pays d'islam, on n'aura pas tout ça. Donc déjà, prépare-toi, spirituellement parlant, à perdre ces choses-là. Commence pas à acheter un nouveau canapé, à refaire un nouveau papier peint, une nouvelle peinture, une nouvelle voiture. Ça ne rentre pas dans celui qui se prépare à partir. Abadan. Ça, c'est quelqu'un qui s'installe, ça. Ada wa mustakir, ada. Ça, c'est lui qui s'installe, celui-là. Donc, ce genre de dépenses, Tayyib, à bien comprendre, elle ne rentre pas dans les choses qu'Allah Azawajal, elle ne rentre pas dans sa promesse de remplacement. Faqal, wa hadhi thalatha al-mazkura, fi hadha al-hadith, من أفضل الأمور التي يحبها الله. Donc sache que ces trois choses dans ce hadith qu'on cite sont les choses que Allah Azawajal préfère. فالجهاد في سبيل الله وسلام الدين وذروته وأعلاه وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة فالنفق في هذا السبيل مخلوفة وسالك هذا السبيل معان من الله ميسر له أمره. Donc le jihad en premier, d'accord, c'est comme dans le hadith de Mu'az ibn Jabal, c'est le sommet de la religion. Le niveau le plus de la religion, c'est le jihad. C'est le niveau qui a été atteint par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba après avoir fait la hijra à Medina. Une fois qu'ils ont eu la salat qui a été rendue obligatoire, les cinq, l'adhan et toutes les règles, c'est là que le jihad il a commencé. Ils étaient prêts à ce moment-là. Et c'est le jihad qui a commencé à se répandre l'islam à travers le monde. Et le jihad, il est bien auteur que sur le jihad armé, donc qui est sous la bannière d'un gouverneur musulman, comme vous le savez, un jihad chadri, ou alors le jihad dans l'ilm, dans la da'wa. Car ça rentre dans le jihad. D'accord? Celui qui fait talab al-ilm, celui qui dépense pour l'ilm, il dépense dans le jihad. Donc celui qui dépense dans ce domaine-là, Allah Azawajal lui rend cet argent-là. D'accord? Qui dépense pour lui-même, qui dépense pour y contribuer, cet argent-là lui sera rendu. Et ça, c'est en même temps, c'est un rod à ces gens qui n'arrêtent pas de demander qui n'arrêtent pas de faire des demandes de dons pour des écoles, des instituts, je ne sais quoi. On dit dépense ton argent à toi, dépense plutôt que de demander aux gens, et Allah il va te le rendre. Ça, c'est un jihad justement. Tu dépenses de tes biens, de ta personne. Elle va se reposer, je vais faire une école, mais il faut qu'on me la paye. D'accord? Je vais faire des doulous, il faut qu'on me paye. Et je veux telle chose, mais je vais faire un voyage, je veux qu'on me le paye. Ainsi de suite. Toi, t'es pas fils d'Abilillah. Ça, c'est pas fils d'Abilillah, ça. Donc, ça dépense, ça l'est faite pour le jihad, sous toutes ses formes. Cette dépense-là, Allah Azawajal, il la remplace. Il la remplace. Et regardez bien, avec tout ce qu'il y a comme dépense à faire, Allah, les gens, s'ils savaient, ils iraient même pas en vacances. Tu veux ton argent, il soit fructif dans plein de choses. Il y a plein d'abouab de khayl, de dépenses à faire, qui seront un bien pour toi et pour autrui. Et Yom Al-Qiyamah, tu seras heureux de les trouver, plutôt que partir en vacances. D'accord? Non. Ensuite, tu dis, où est le Makatib? C'est qui le Makatib? C'est l'esclave. Bon, ça, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais on en parle quand même, Bebel, Stifad al-Miya. C'est l'esclave qui se rachète, en fait. C'est l'esclave qui se rachète. Ça veut dire qu'il se met d'accord avec son maître, telle et telle somme. Soit, il dit au maître, le maître libère, mais le maître dit, tu me donnes tant. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait l'esclave? Eh ben, il travaille à fond. Il essaie d'avoir de l'argent pour pouvoir le donner au maître et se racheter. Et lui, il a droit à la zakat. Justement. Dans les 8, c'était dans le verset de la zakat, il rentre dedans. Pourquoi? Pour se libérer. Donc, celui qui fait cela, c'est-à-dire cet esclave qui fait en sorte de gagner de l'argent pour le dépenser, pour se racheter, Allah Azawajal lui remplace et le soutient dans ses efforts pour rembourser. Vous voyez? Pour rembourser. Et il revient à son maître de l'aider en cela. De minimiser les dépenses et de l'aider. Et de les gens, il faut que les gens l'aident également. Bon, je vous ai dit aujourd'hui, ces gens-là, il n'y en a pas. Aujourd'hui, alors qu'il est là, il n'y a pas d'esclave. Parce que les règles d'esclavage, elles ne sont pas applicables. J'avais fait un dérs par rapport à ça, que l'esclave, aujourd'hui, ne vient que des prisonniers de guerre. Kuffar. S'il y a un djihad shara qui se fait des musulmans contre les kuffars, les prisonniers des kuffars deviendront des esclaves, ainsi que leur descendance. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a cela? Il n'y a pas cela. Donc, il n'y a pas d'esclave aujourd'hui. Même quelqu'un vient, il te dit, moi, je veux qu'un tel, je suis ton esclave, il n'a pas droit. Il n'y a pas le droit. Ou il va quelque part dans un pays pauvre, et il dit, khlas, il y a une servante, là, je l'achète, il n'aura pas le droit. Pourquoi ça serait le musulman? Tu ne peux pas l'acheter. Elle est libre. Donc, les règles de l'esclavage, aujourd'hui, actuellement, là, halien, elles ne sont pas applicables. Mais la faïda, on apprend quand même. Et le troisième, c'est un nikah. C'est le mariage. D'accord? C'est le mariage. يقول فقد أمر الله به ورسوله ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا عون الله وامتثال أمر الله ورسوله إنه من سنن المرسلين. Donc il faut aider celui qui veut se marier. Tu as l'Azawajel, celui qui veut se marier pour rester chaste, cette dépense, elle sera compensée. D'accord ? Celui qui a une bonne niya et qui se marie selon les règles. Pas exactement. Et que, par exemple, ça rentre dedans, ce que vous disiez tout à l'heure, les gens qui font un mariage et qui font des dépenses à outrance. D'accord ? Ils font une noce à je ne sais pas combien. Et ils en font trop. D'accord ? Ils en font trop. Dans la même, des fois, ils vont contracter des dettes pour leur noce. Ils n'ont pas les moyens. Ils vont louer la voiture, ils vont louer la limousine. Ils vont louer je ne sais quoi comme fait, comme salle et faire un grand banquet, un grand repas, alors qu'il n'a pas les moyens. D'accord ? Ils n'ont pas les moyens. Et sans compter même ceux qui font cela, il y a du haram dans leur cérémonie de mariage. La musique, la mixité, les caméras, les photos, les vêtements qui ne sont pas autorisés, tout cela, tout ça j'en passe. Ça ne rentre pas dans ce hadith-là. Là, le hadith, c'est pas de celui qui veut se marier pour rester chaste dans les règles. هذا هو الذي يعينه الله تعالى في هذا الباب. C'est celui-là qu'Allah Azza wa Jal va assister, il va soutenir. Qui est une bonne niya qui fait les choses selon les règles de la sunnah. Non. Donc voilà, en résumé, il y a deux parties de l'auteur, il parle d'autres choses, ce sont des points, des détails. Inch'Allah, on va pas les citer là. On va se contenter de cela. Bismillah ta'ala. Donc en fait, on a pris trois hadiths aujourd'hui, deux en un, deux qui sont liés aux règles de Faraïd, de l'héritage, et le troisième, وَالَّذِي وَعَدَ اللَّهُ بِي خَلْف نَفَقَتِي. Celui à qui Allah Azzawajal a promis de compenser ses dépenses que tu l'aurais faites dans le bien. Mais attention, il y a d'autres domaines dans lesquels Allah Azzawajal, comme on l'expliquait, compense. Celui qui dépense pour sa famille, dans le halal. Celui qui dépense pour aider les gens, dans le bien. Celui qui dépense dans le ilm. Celui qui dépense la hijra rentre dedans. Celui qui fait Allah Azzawajal est la première, celui qui fait hijra, qui trouvera maintes richesses. Ça va être compensé, ses dépenses. Même si c'est pas dans le sens où lui le voit, sa dépense, elle va être compensée. Ce n'est pas une perte. Celui qui fait le hajj, sa dépense, elle sera compensée. Celui qui part en umrah, sa dépense, elle sera compensée. D'accord ? Plutôt que partir en vacances, justement, tu veux partir en vacances ? Va faire une umrah, mathalan. Voilà. Tu veux faire un truc qui est khayr, va faire une umrah. Tu mets une niya de ta'aboud lillah azza wa jal. Par exemple. Voyez ? Ou alors, tu fais une visite des parents, qui sont ailleurs. Ou ceux qui veulent, mathalan, tâter un terrain, qui sont encore dans leur esprit, sont encore faibles pour partir en pays d'islam, va en vacances en pays d'islam, voir c'est comment, avec une niya de quoi de préparer ta hijra, mathalan. Pas une niya, je vais là-bas et je vais voir la plage comment elle est, je vais voir les parcs d'attraction comment c'est, je vais voir les hôtels luxueux comment c'est là, on parle pas de ça, là. Tu vas là-bas pour préparer ta hijra, mathalan. Ce temps de vacances, tu t'en sers dans le khayr. Qu'il soit utile pour toi, ta dunya, ton au-delà. Pas une simple perte de temps pour aller patauger à la mer ou je ne sais quoi. Non. Taïeb, on a qu'à vivre bien dans le cadre. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك